je rentre chez moi, je ne suis jamais là. C'est bien désespérant d'être toujours absent. Quand je vais chez des amis, alors là oui j'y suis. Mais quand je rentre chez moi, alors je n'y suis pas. Je cherche dans l'armoire, je fouille les tiroirs. J'inspecte mes souliers, mon pyjama rayé. Hier soir dans le miroir, j'ai cru m'apercevoir. Mais ce n'était qu'un gars qui ne me ressemblait pas. Plafonds, portes et fenêtres commencent à trouver le temps long. Appel en vain leur maître, mais seul l'écho répond. Quand je rentre chez moi, je ne suis jamais là. C'est bien désespérant d'être toujours absent. Je vais bientôt déménager, histoire de me trouver un petit appartement où je serai dedans.